papa. Un soir présent sur la ville. Non, ou mwen jwenn tout sa ke mwen bezwen. San ou mwen pèdi sans la vi mwen. Ou toujou la pou klere chime mwen. Papa, ma pèdi si ou pa gen kontrol vi mwen. Vin abite nan mwen. Pran plas ou nan vi mwen. Pot kem louvri, papa, pou vin renyè. Yeah. Vin abite nan mwen. Pran plas ou nan vi mwen. Pot kem louvri, papa, pou vin renyè. Papa mwen vle si pran satisfè dezi mwen. Malgré tout ça me gagne toujours on vit nan mwen. Mais l'aime à vivre présent sous, c'est les âmes sans bien. Moi faire place pour être souple pas déplacé. Non non, yeah. Vin habite nan mwen. Prends place ou nan. Habiter dans la vie, papa. Venir venir dans le cœur.